Quoi qu'il en soit, je commençais à penser à comprendre que d'autres autour de moi pensaient plus que moi. Je commençais même à comprendre, non la nature, mais le fait de cette transformation en pensée des caractères matériels qu'on me faisait tracer ou lire, et la transformation de cette pensée en caractère, c'est-à-dire en livre. Mes premiers respects pour le livre, milieu surhumain où s'opère ce phénomène, me vinrent d'où vient toute révélation aux enfants de leur mère. La mienne avait la piété d'un ange dans le cœur et l'impressionnabilité d'une femme sur les traits. Son visage, où la beauté de ses traits et la sainteté de ses pensées luttaient ensemble, comme pour s'accomplir l'une par l'autre, me donnait, bien plus encore qu'un livre, le spectacle de cette transformation presque visible de l'intelligence en expression physique et de l'expression physique en intelligence. C'est ce qu'on appelle physionomie, chose que l'on définit toujours parce qu'on n'est jamais parvenu à la définir. La physionomie est en effet le phénomène lui-même visible, mais toujours mystère. L'âme dans les traits et les traits dans l'âme. L'homme peut voir là, plus que partout ailleurs, l'union de la matière et de l'esprit. Mais définir dans la physionomie ce qui est de la matière et ce qui est de l'esprit, la nature nous en défie. C'est la limite où les deux natures se confondent, on adore et on s'anéantit.